Pour ceux qui viennent de joindre à nous, bienvenue à Doc Babylon 69.3 FM. J'aimerais rappeler aux gens le thème d'aujourd'hui. Un, le système et ses problèmes. Deux, ma génération et sa haine. Mais pour reprendre là où on avait laissé, j'aimerais dire que le stéréotype type du type rappeur à travers l'univers est qu'il est. Peu importe qui il est, c'est un fait. Mais voilà, moi, j'aime mieux propager des idées de paix et d'éducation que propager des idées de crime et destruction, comme certains cons font. J'étais pauvre avant mon disque, puis je m'en fous d'être pauvre après mon disque. C'est pour ça que je prends des risques. Je sais que je suis pas comme la biatch d'Elvis. Je vends bien moins de disques, mais au moins j'en vends. Pas comme d'autres MC de dans le temps qui disaient que leur disque allait sortir dans peu de temps, puis qui ferait plein d'argent. Il y a trop de grandes gueules qui parlent tout le temps. Mais ce qu'ils disent, qui dans le vent, comme un cerf-volant dans les mains d'un enfant de 5 ans. Parce qu'ils ne servent pas de leur talent pour éduquer les gens. Ils préfèrent mettre leur énergie dans la crime et la destruction que dans la parole du Tout-Puissant. C'est pourquoi leur disque n'existera jamais et le mien sera le moule à tout jamais. Que mon peuple vive en paix. Bon, ben maintenant écoutons Ta gueule, vis ta vie et reste en vie de Casey et Ramanopi. Et pour le tirage du 9 mm chromé composé de 443-25-33. 443-25-33. Peace. Et on se reparle tout à l'heure. Au revoir.